أحكام الحيض والنفاس من كتاب العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى الملخص الفقهي. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafizahullah ta'ala, cours numéro 2. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. فأخذنا أمس بعض المسائل من هذه المسائل أخذنا أقل الحيض. الله في هذا نعم. ماذا قلنا؟ ما في دليل بالتحديد. العبرة بماذا؟ ما تخرج الدم من نعم بوجود الدم أو بعدمه. فإذا وجد دم الحيض فالمرأة حائض. تط لأحكامكم أبوه الآن من عدم الصلاة وعدم الصيام إلى آخره. سيابليكابل سؤال سيا بلوس دم تطهر فتوس كيتي حرام بوندون الحيض سي بلو حرام لأن العلة لي بلو بريزونت هاي لا كوز دو حكم لي بلو بريزونت أي الدم. سي سا الخلاصة كون افي أمس. كون افي كذلك أقل سن تحيض فيه المرأة. ما الجواب؟ لا كذلك نعم ما فيش دليل على التحديد. فمتى وجد هذا الدم هذا الأذى فست في اللي كونسيديريكم حائض. هذا الصحيح. لا شك أن في الغالب ستورن autour de 9 ans 10 ans 11 ans. On n'a pas pris أكثر أو أكبر سن تحيض فيه المرأة. الحمل نعم. فهل الحامل تحيض؟ قد تحيض خصوصا إذا تشبع الدم الصبي. نعم نعم إذا كانت العدة في نفس الوقت والدم سدم الحيض فهل كونسيديريكم حائض. لكن الغالب أن الحائض أن الحامل لا تحيض. هذا الغالب. بل سين علامة من علامة الحمل عدم الحيض أو انقطاع الحيض. هذا والله أعلم. سيسال قول الصحيح. ونسيت كذلك فائدة في اللغة concernant المو حائض ما هي وحامل ومرضع تذكره؟ يبقى على المفرد بالنسبة لخصوصي النساء. يبقى على ليس على المفرد على بدون إيش؟ نعم بدون التأنيث. لماذا؟ بالنسبة لهذه العبرة النساء. نعم لأن هذه الأمور خاصة بالنساء الحيض والنفاس والحمل والرضاعة تسع خاص بالنساء فلا حاجة لذكر التاء التأنيث. فلهذا العلماء يجلس حائض حامل مرضع. نأخذ مسألة كموك أمس وهي في أكبر سن تحيض فيه المرأة باش 384 من فتح العلام مسألة من غطوة. قال حفظه الله أكبر سن تحيض فيه المرأة يبابوك سلامة مسألة أقل سن تحيض فيه المرأة وقال بعض العلماء يحدد avec un âge précis quand elle atteint 50 ans. Cette femme aux 60 ans, elle ne peut plus avoir les al-hayd. On va voir qu'il n'y a pas de délire à la tahdid. Famata wujida ad-dam, elle est considérée ha'id. Walau balagat 70. Qala, dhahaba Ahmed fi riwaya, wa ishaq, ila anna aktharahu 50 sana. Arrive à 50 ans, la femme, elle ne peut plus avoir de règles. Qala an Ahmed riwaya ukhra 60 sana. Wahaoulaï disent que si après cette période, 50 ans, 60 ans, après cet âge, la femme ne peut plus avoir al-hayd. S'il y a du sang, c'est pas al-hayd, c'est dam fasad. C'est un sang, c'est pas le sang des règles, c'est un autre sang. Et ce sang, pour eux, elle peut faire salat, elle peut faire siyam, elle peut faire tawaf, ila akhir. Bien sûr, elle se nettoie. Hada qaw. Ba'd l'ulama ils disent 50 et d'autres, l'imam Ahmed il dit kadhalik 60. قال وذهب الشافعي ومالك إلى أنه لا حد لأكثره وهذا القول هو الصحيح لأن التوساسة منذ أدلة ما الدليل على 50 وعلى 60 خاصة أن تعلمون أن النساء تختلف طبائعهن أي لا ناتور دو سيت فام سي با كوم سيلا قد تختلف سيتي اون ليميت هكذا بور لونسوم دي فام فيه نظر. قال ومالك إلى أنه لا حد لأكثره وهذا القول هو الصحيح. فمذهب الشافعي ومذهب مالك الصحيح في هذا. قال وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ مقبل الوادعي والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. فهذا هو الصحيح. دونك العبرة توجور اون ريفيان سبي الدم بوجود هذا الدم او بعدمه، لان الله سبحانه وتعالى في القران انزا سيتي ان تعتزل النساء في المحيض، فالله سبحانه وتعالى لا مونتر ان الاحكام سي بار رابور الحيض سي با بار رابور اون جوري. اما دير كو لا بلوبار دي فام الحيض تنقطع عندهن ا partir de 50 ou 60 نعم لا شك فيه 30 ans 40 ans en général la femme si elle est pas malade elle a le haid, elle a son cycle d'aïm. À partir de 50 ans, كثير من النسوان elles ont plus le haid, elles ont plus ce cycle. 60 ans كذلك كثير. هذا لا شك فيه. أما dire que toutes les femmes elles ont plus le haid à partir de 50 ou 60 ans لا هذا فيه نظر. فلهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في زاد المعاد وليس في الكتاب والسنة تحديد اليأس بوقت. اليأس لغة c'est désespéré. Aïe, la femme, elle a plus de al-hayd. Ça s'appelle, il l'appelle al-yas. Si elle a plus de règles, elle ne peut plus avoir d'enfant. قال ولو كان المراد الآيسة. Aïe, la femme qui a plus, qui espère plus avoir de règles. من المحيد من لها خمسون سنة أو ستون سنة أو غير ذلك لقيل واللائي يبلغنا من السن كذا وكذا ولم يقل يأسنا. أي من المحيد. وانظر بقية كلامه رحمه الله. نعم، الله سبحانه وتعالى في القرآن il a cité un بعض النسوان si elle désespère من المحيض. Aïe, ça montre bien que l'ibra c'est bi wujud hada dam ou adame. Ça serait l'ibra ou le tahdid avec un âge précis, Allah subhanahu wa ta'ala il l'aurait cité dans le Coran al-Karim. قول شيخ الاسلام ابن تيميه c'est صحيح. وقال رحمه الله عليه كما في مجموع الفتاوى قال ولا حد لسن تحيض فيه المراه بل لو قدر انها بعد الستين أو سبعين رأت الدم المعروف من الرحم لكان حيضا لو قدر سمود خنه سنادر en général après 60 ans المرأة لا تحيض لكن لو قدر سعليم هذا une femme après 60 ans بل شيخ الإسلام il a dit 70 حتى 70 ans الدم يخرج et ce الدم الحي avec ses aspects connus ses faits qui sont connus odeur, couleur, etc et il sort par cet endroit الرحم l'utérus فهذا سسرى من الحيض قال شيخ الإسلام لكان حيضا إسس الصحيح. donc لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا أكبر أكبر سن ولا أقل سن يبقى التحديد لا العبرة بوجود الدم. وهنا c'est important après ces مسائل qu'on cite comment il est ce dم لأن تعلمون أن أكثر المسائل c'est par rapport au dم par rapport au sang. Est-ce que ce sang, c'est le sang de l'haïd amla? Enfin, reconnaître ce sang, c'est muhim. Page 383. Min Fath al-Allam. Mas'ala numéro 2. Cette mas'ala, c'est le farq bain adam al-istihada ou al-haïd. Al-mustahada, c'est une femme dont le sang, hada dam, il sort wasil. C'est pas comme al-dawra. C'est pas comme al-haïd. Ça sort, comme on a vu, ça peut être un jour, deux jours, quatre jours, une semaine, dix jours, onze jours. Al-Mustahada, c'est toujours. Enfin, il y a une différence entre ces deux sangs. Entre Dam al-Mustahada, et on va voir que al-Mustahada, elle fait salat, elle fait siyam. Et Dam al-Haïd. Al-Haïd, elle ne fait pas salat, elle ne fait pas siyam, elle ne fait pas tawaf. On va lire Kalam Cheikh Ibn Taymiyyah, il fait la différence entre ce sang, Dam al-Mustahada, ou Dam al-Haïd. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de reconnaître Dam al-Haïd. Mafhoum. أما الديفيرونس انت بين المستحاضة والحائض اون روفيرا من كلام شيخ الفوز ان شاء الله تعالى لكن الان اون لي اي افيك لي ديفيرونس اون واستفد كومو اي الدم الحائض قبل هذا اون لي لا مساله نيميرو 1 انواع الدماء التي تخرج من فرج المرأة فاس مهم دو ريكونيتر اي دو كونيتر بلوتو لي ديفيرونس سون كي سورت من فرج المرأة فيا بلوزيور سون بل يا بلوزيور ليكيد نحن سكي نوز انتريس الان c'est de connaître ces sangs et leurs différences. Il y en a, il y a des ahkams qui changent. Maintenant, le mustahada n'a pas les mêmes ahkams que le haïd. Qala, habidahullahu ta'ala, awalan, damu al-haïd. Wa huwa damun tabi'i, kharijun ala jihat al-sihha. Aïe, c'est tabi'i, c'est normal. Chaque femme, elle a ce dam. Aïe, cet écoulement de sang. Qala, inda bulugh al-mar'a. On a vu, il n'y a pas de limite. Ça peut être 8 ans, ça peut être 9 ans, ça peut être 10 ans, ça peut être 11 ans. لكن سين علامة أن ست في بلغت أي لا ترى بيختي في أوقات معلومة ده من حيث سين سيكل شاك موا une période qui peut être de 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, 10 jours. Chaque femme a sa période. Et cette période, elle est ma'louma, عند المرأة. وقد تضطرب, ça peut changer, ça peut diminuer, augmenter. لكن الأصل c'est هذا. Donc ça, c'est دم الحيض. Deuxième دم, qui sort من فرج المرأة, دم النفاس. قال وهو الخارج بعد فراغ الرحم من الجنين. أو نحوه. أي هذا, c'est après l'accouchement. Après l'accouchement, la femme a une période, en général 40 jours, أنه هي أن écoulement de sang. Ça s'appelle النفاس بالعربية. هذا كذلك إلى أحكام que الشيخ الفوزان il a cité en deuxième partie de cette مسألة أو de ce باب الحيض والنفاس. قال الثالث دم الاستحاضة وهو دم فساد ليس بعادة. هذا الآن c'est pas une عادة, c'est pas habituel chez la femme. Donc c'est un دم فساد. C'est pas comme le premier, il est naturel. ولا طبع. نعم أي من الطبيعة سبحانه وتعالى. قال وإنما يخرج بسبب انقطاع عرق. هذا c'est comme une maladie. بسبب انقطاع عرق. peut traduire par une veine, par une artère. la femme elle a un problème. انقطاع. فهي du sang qui sort واصل. هذا الآن ce sang qui va sortir c'est pas comme le sang de l'حيض. لأنه هذا il est واصل. ففي هذا الحال elle se nettoie, elle fait الصلاة, elle fait الصيام إلى آخر. الآن الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. نحن سكون فيل أنس غوكونة دم الحيض فقط. قال العلامة ابن عثيمين لما سأل سويمون في الشرح الممتع إنسان كتاب نفيس جدا. قال التمييز بينهما أي بين دم الاستحاضة ودم الحيض له أربع علامات. أي نحن avec la différence on va reconnaître دم الحيض on va reconnaître دم المستحاضة. قال الأول اللون فدم الحيض أسود. Il est proche du noir. C'est un rouge très très foncé. هذا الدم الحيض. قال والاستحاضة أحمر. أما دم الاستحاضة أحمر. لماذا؟ لأن دم الاستحاضة c'est un sang. C'est pas comme دم الحيض qui est resté un certain moment في الرحم. فلهذا on va voir qu'il y a une odeur, on va voir que la couleur elle a changé. أما الاستحاضة لا. Donc première caractéristique c'est la couleur. الحيض il se rapproche du noir, il est très très foncé. À l'estihada, il est rouge, عادي. Deuxième caractéristique, deuxième aspect, الرقه. Aïe, l'épaisseur. قال فدم الحيض فخين غليظ. دم الحيض, il est épais. قال والاستحاضه رقيق. الاستحاضه, il est عادي. قال الثالثه, troisième aspect, الرائحه, l'odeur. فدم الحيض منتن كريه. Une mauvaise odeur. قال والاستحاضة غير منتن. نعم لأن un sang qui est sorti مباشرة من هذا العرق. Il n'y a pas d'odeur particulière, une mauvaise odeur ou il est épais ou une couleur. Là c'est du sang عادي. قال والاستحاضة غير منتن لأنه دم عرق عادي. قال donc troisième l'odeur. Quatrième التجمد. قال فدم الحيض لا يتجمد. يتجمد أي ما أدري comment il traduit en français. Il devient épais. Vous avez déjà vu la hijama, quand tu as du sang qui sort et tu le laisses longtemps, il devient comme Ahsan, comme des glaires. Ça devient, il devient épais. هذا دم الحيض لا يتجمد. لماذا؟ لأنه تجمد قبل. قال فدم الحيض لا يتجمد إذا ظهر. لأنه تجمد في الرحم. Il est déjà resté dans cet endroit, الرحم, l'utérus, فتجمد. فكنت يصور يصور خلاص. أما قالت ثم انفجر وسال أي دم الحيض فلا يعود ثانية للتجمد والاستحاضة يتجمد لأنه دم عرق. نعم الاستحاضة صيغة استخدام ما يتجمد. لماذا؟ لأنه لا بكوني cette transformation أي ستجلس عادي ثم تجمد. ثم إلى نبهنا بعض العلماء يديز كذلك دم الحيض يتجمد والأمر سهل. celui qui a pas compris la quatrième فيها خلاف. les trois première, elle suffit. La couleur, dam al-hayd, il est proche du noir. Il est foncé jiddan. Al-istihada, il est ahmar. Le rouge qui est connu, la couleur du sang. La thaniya, l'épaisseur. Dam al-hayd, épais. Dam al-istihada, il est raqiq. Il est adi, normal. La thalit, al-ra'iha, l'odeur. Dam al-hayd, muntin kari, une mauvaise odeur. Al-istihada, c'est du sang adi. Avec ces différences que Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité, on peut qualifier ou on peut citer les aspects de Dam al-Hayd. Dam al-Hayd, c'est du sang awalan qui sort min rahim al-mar'a, de l'utérus de la femme. À des périodes précises. Un cycle chaque mois. Chaque femme a son cycle. Ce sang, il est proche du noir. Il est très épais, il a une mauvaise odeur. Si la femme, elle a ce sang qui coule, elle est ha'ib. Si c'est un autre sang, maintenant elle a un écoulement de sang, et il dure très longtemps, et il n'a pas ces caractéristiques. C'est ce qu'on appelle le mustahab. هذا والله أعلم. كذلك إذا زدنا فائدة نقرأها. قال فائدة أخرى جاء في الصحيحين. على فضل دوزيام مسألة. قبل لا تخوزيام مسألة. لا باج لا بخير. 384. قال فائدة أخرى جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحيض هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. أي الله سبحانه وتعالى إلى خلق. Cette chose, ce sang, cet écoulement de sang, fi banat adam, aïe les femmes. قال فهذا يدل على أن الحيض عام في جميع النساء من عهد آدم عليه السلام خلافا لمن قال إنه ابتدأ بالنساء من عهد نساء بني إسرائيل. كثير من الناس pensent que les femmes avant بني إسرائيل elles n'avaient pas de règles, elles n'avaient pas le حيض. ثم à l'époque de بني إسرائيل les femmes elles ont été touchées par هذا. هذا في نظر يحتاج إلى دليل. Et le Nabi Sassam, il a montré que c'est un chose que Dieu a écrit à la banat Adam. Et ça englobe toutes les femmes. والله تعالى أعلم. باقي مسألة هي المهمة أن بعض النساء العادة ce cycle il a des changements. أما s'il n'a pas de changement, واضح tous les jugements qu'on va voir là par rapport à la salat, par rapport à tahara, par rapport au hajj, par rapport au siyam, tout ce qu'on va voir c'est applicable sur cette femme. Elle peut faire ou ne pas faire certaines choses, on verra. الآن avant de rentrer dans les ahkam, il faut savoir أن بعض النساء elles ont un intiqal, intiqal العادة. إما العادة, ce cycle, il est avancé ou il est retardé, ou il y a une coupure. Est-ce qu'elle reste dans ce cas-là حائض أم لا؟ نقرأ كلام الشيخ زائد حفظه الله من مسك الختام شرح عمدة الأحكام تحت حديث باب الحيض. نعم, حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر. إني أستحاض أي أن يكون موت صن فلا أطهر أي للصن اللي واصل سكون أيسبيكي الاستحاضة. قالت أفأدع الصلاة؟ قال لا, إن ذلك عرق, ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيه ثم اغتسلي وصلي. قال الشيخ الفوزان أو الشيخ زائد حفظه الله, القول الأول أي تحت مسألة انتقال العادة وهو تقدم أيام الحيض أو تأخرها أو زيادتها أو نقصانها. قال القول الأول, المرأة إذا كانت لها عادة مستقرة في الحيض فرأت الدم في غير عادتها لم تعتد بما خرج من العادة حيضا حتى يتكرر ثلاث. نعم, هؤلاء disent que s'il y a une coupure أو un avancement أو un retardement فلا là, elle ne fait pas attention. Elle ne prête pas attention à cette chose. Sauf si ça se répète trois fois. « قال وهي رواية عن أحمد ووجه في مذهب الشافعي ورواية ثانية عن أحمد ووجه في مذهب الشافعي حتى يتكرر مرتين. » نعم. بعضهم, ils ont dit trois fois. Et l'imam الشافعي قول أنه يدي si ça se répète deux fois. هذا في نظر. لأنه يحتاج إلى دليل. « قال القول الثاني ما رأته قبل العادة ليس بحيد حتى يتكرر مرتين. » وما رأته بعدها فهو حيض وهو قول أبي حنيفة. نعم, أما سي avant le حيض مثلا le 10 de chaque mois, si ça lui vient le 7, le premier قول pour eux c'est pas le حيض, sauf si ça se répète deux ou trois fois. مثلا ça lui vient le 7, Thomas ça lui revient le 8 matin, Thomas ça lui revient le 8 le soir, عندهم c'est le حيض trois fois, بعضهم ils ont dit deux fois. Vous avez compris le مسألة الآن. أو retardement, on va voir, إما avancement, إما retardement. القول الثاني ما رأته قبل العادة ليس بحيد حتى يتكرر مرتين وما رأته بعدها فهو حيد وهو قول أبي حنيفة. أبي حنيفة il fait une différence avant et après. Avant il faut que ça se répète deux fois, أما après فعنده c'est le حيد. القول الثالث جميعه حيد ما لم تتجاوز أكثر الحيد أي tant qu'elle dépasse pas son cycle. Si ça s'avance ou ça se retarde, tant qu'il y a de dem c'est du حيد. قول لأقرب. قال وهو قول الشافعي وأكثر الحيض عند الشافعية 15 يوما. وانا في نبع عن هذا أن في الحقيقة يا با une limitation أي دير le maximum c'est 15 le maximum là tant qu'il y a du dem c'est du حيض sauf si c'est واصل واصل واصل et c'est pas les aspects de dem الحيض, on verra que c'est le مستحاضة. قال وهو قول الشافعي وأكثر الحيض عند الشافعية 15 يوما. On l'a vu أمس, on l'a vu que c'est فيه نظر. قال النووي فإذا كانت لها عادة دون 15 يوما فرأت الدم وجاوزت عادتها وجب عليها الإمساك. Le قول الشافعية il est basé en الحيض il y a une limitation dans la durée maximum c'est 15 jours. وهذا فيه نظر. قال الراجح هو القول الثالث الذي هو قول الشافعي. الراجح c'est قول الشافعي tant le sang il coule et ce sang c'est celui qu'on a décrit ah, il est foncé, il est épais, il a une odeur, une mauvaise odeur, tant qu'elle a ce sang elle est haïd. Ça s'avance ou ça se retarde? Ça montre que le cycle c'est pas forcément tous les 10 du mois, tous les 11 du mois. Là, la femme maintenant, une femme elle a l'habitude que son cycle c'est tous les débuts de mois maintenant. Qaddar Allah, ce mois-ci, le début de mois, elle n'a pas eu. Ça s'est retardé 4, 5, 6 jours. Si le sang, c'est le sang de l'haïd qu'on a décrit, elle est haïd. Ah, c'est ça le qu'on le sahih. Toujours al-ibra, c'est quoi? C'est dam. Il n'y a pas de délit sur des durées précises, des jours précis. Là, les hadiths, là, c'est sur le sang. Fa'liha, d'aqa al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si on répète hadith à Aïcha, qal, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, walakin da'i salat, qadr al-ayyam alati kunti tahidhina fiyya. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a démontré que le délaissement de la salat c'est pour le haïd. Et le haïd c'est quoi? C'est un écoulement de sang. Le haïd c'est pas des jours précis. Là, le haïd c'est un écoulement de sang. Et cet écoulement de sang il peut être dans des jours précis, il peut être avancé, il peut être reculé. Ah, c'est ça. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que il a pas dit si tel jour il arrive, délaisse salat. Là, il a montré que le hukm il est par rapport à le haïd. الحيث عن كل منصوب. القول الثالث الصحيح قول المذهب الشافعي لكن الشافعي رحمة الله عليه dans son مذهب le cycle est limité à une durée maximale 15 jours. هذا في نظر وإلا son قول الصواب. قال الراجح والقول الثالث الذي هو قول الشافعي إلا التحديد بخمسة عشر يوما ليس بصواب وقد تقدم on l'a étudié أمس قال أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره على الصحيح وهذا هو اختيار ابن قدامة وابن تيمية وابن عثيمين رحمة الله عليه فالقول الثالث الصحيح si il y a un avancement ou un retardement الأمر il est سهل. L'essentiel c'est à l'attente la période quand il y a l'écoulement de sang elle fait plus salat elle fait plus siyam إلى آخر. Ce retardement ou cet avancement, il a des causes. Parmi les causes, c'est certains médicaments. Certaines femmes, leur cycle, il est mazbout. Chaque mois, elle a son cycle les mêmes jours. Lakin ahyanan, il y a des causes. Parmi les causes, c'est certains médicaments. Qal ibn Qudama rahmatullah alayhi, inna shari' allaqa al-hayd. Inna shari' allaqa ala al-hayd ahkaman. Wa lam yuhidhu. Il n'a pas cité de limitation dans jour. أو موا بريسيل لا طول احكام في الحيض بارابور او سون فعلم انه رد الناس فيه الى عرفهم سا ريفيون عرف سي با ان ليميتاسيون مثلا شاك فام على باغ الحيض لو 8 دو شاك موا ديليجير لا سي بارابور او عرف لا فام ال سوكولا اي سي ال كوني لو سون ال سورا كو سي سيت سو سون سيت سون الحيض سي كل سو سون في حكم الحائض شاك فام ال ديفيرونت دون اوتر قال والعرف بين النساء أن المرأة متى رأت دما يصلح أن يكون حيضا avec les trois aspects qu'on a cités ou les quatre la couleur l'épaisseur l'odeur et التجمد كذلك قال أن المرأة متى رأت دما يصلح أن يكون حيضا اعتقدته حيضا ولو كان عرفه اعتبار العادة على الوجه المذكور لنقل صحيح si ça aurait été les femmes à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام العرف ça aurait été que chaque moi maintenant tel jour ou telle durée la femme elle est en état de haïd ça aurait été nuqil la bal al-urf c'est quand il y a ce sang elle est en état de haïd hada c'est par rapport à un écoulement c'est pas par rapport à des jours faqat qal walaw kana urfun i'tibar al-'ada 'ala al-wajh al-madhkur la nuqil wa lam yajuz at-tawatu 'ala kitmana ma'a du'a al-haja ilayh thumma dhakara rahimahu Allah al-adilla na'am fa nahnu ce qui nous est parvenu min al-adilla min al-athar 'an as-sahabiyyat radiyallahu 'anhum c'est par rapport à l'écoulement de sang. Fal ibra c'est bidam. Bidam ou bi'adam. S'il y a le sang ou s'il n'y a pas le sang. Amma mujarrad des jours là. Wa qala Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala wa kadhalika al-mar'ah al-muntaqila ila taghayyurat 'adatiha bi ziyada aw naqs aw intiqal fa dhalika hayd. L'an c'est important nahnu nastafid anna le cycle de la femme c'est pas forcément toujours le même moment. Là, même si ce cycle il est déplacé ce sang, c'est le sang de l'haïd. Cette femme, elle a ahkam al-haïd. Ahkam al-haïd. Qawl Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, qawl ibn Qudama, qawl al-imam ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi kadhalik. Qawl. قال حتى يعلم أنها استحاضة باستمرار الدم فإنها كالمبتدأة. تمام. Sauf si ce sang il est noir, s'il ne s'arrête plus, tu verras que fil haqiqa les mustahada, les pahaib. Et tu verras que le sang c'est pas le même que fil haqiqa. Hada, c'est un autre hukm. Fali hada fil hadith, hadith Fatima, bint Abi Hubaysh, elle a démontré à Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'elle a un écoulement de sang. La tathur, il est wasil. Al Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a démontré, inna dhalika irqun. C'est pas minal haid. Fali hada, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, tu délaisses salat par rapport à l'haid que t'avais. Maintenant, t'avais 5 jours de haid à l'époque, tu délaisses salat pendant ces 5 jours. ثم شيخ زايد إلى ستة أمثلة في التقدم والليلي أو التأخر قال قلت أما الأمثلة على التقدم والتأخر والنقص والزيادة فهي كما يلي مثال التقدم إذا ستة أمثلة أحيانا السيكل إلي أفنسي مثلا la femme avait son cycle au milieu de mois فإلي أفنسي قال أن تكون عادتها في آخر الشهر فتأتيها في أوله son cycle est à la fin du mois il a avancé au début du mois ففي هذا الحال s'il a avancé son cycle il a changé لا إشكال Il n'y a aucun ishkal fi hada. Au lieu de délaisser salat et siyam à la fin du mois, elle délaissera salat et siyam au début du mois. مثال التأخر أن تكون عادتها في أول الشهر ثم تأخرت إلى آخره. أحيانا المرأة avait son cycle دائما au début du mois, ثم قدر الله سبحانه وتعالى أن ce cycle il a été retardé jusqu'à la fin du mois. Tant qu'il n'y a pas le sang, elle n'est pas haïd. Dès qu'il y a le sang, elle est haïd. مثال نقص العادة أن تكون عادتها سبعة أيام فحاضت خمسة أيام ثم طهرت. La femme, maintenant, son cycle, c'est toujours 7 jours. Qaddar Allah, ce mois-ci, que 5 jours. Au bout de 5 jours, elle voit alamat al-tahr, qu'on verra en détail. Incha'Allah ta'ala. Fafi hada al-hal, au bout de 5 jours, khalas, elle reprend salat et elle est plus haïd. Qaal mithal al-ziyada, an takoun aadatuha 5 ayyam. Fajja'aha al-haïd 7 ayyam. Ça arrive. Une femme, son cycle, c'est 5 jours. Qaddar Allah, à partir de 5 jours, elle ne voit pas alamat al-tahr. La purification, elle a des signes, des aspects. Il y a au bout de 5 jours, là, le sang coule encore le 6e jour, le 7e jour. Son cycle, il a été plus long. Elle ne fait pas salat. Ces masaïles, elles sont importantes. La barre d'Anissa, elle pense que le cycle, c'est toujours le même. Au bout de 5 jours, voilà aussi, il a du sang, Obama, elle reprend salat. Là, il joue. L'ibra, c'est bi sayalan dam. C'est l'écoulement de ce sang, c'est ça l'ibra. Tant qu'il y a le sang, il n'y a pas de salat. Même si c'est reporté à 6, 7, 8, 9, 10 jours, elle ne fait pas salat fi hada al-hal. Wallahu a'lam. Mas'alat, connaître les durées et connaître les aspects du sang, c'est muhim. Amma les durées, c'est par rapport au sang. Tant qu'il y a l'écoulement, la durée, elle dure. Aïe, la femme, elle est ha'ad. Et le sang, alayhi al-hamd, on a expliqué les aspects. C'est wadih, hada? Inch'Allah, c'est wadih. قال الشيخ الفوزان donc après avoir cité ces masail nafi'a wallahi alhamdulillah on a un aperçu on sait c'est quoi al haid dam tabi'i yakhruj min rahim al mar'a on sait que ce dam il concerne toutes les femmes comme قال النبي صلى الله عليه وسلم شيء كتبه الله على بنات ادم on sait que ce sang il a une couleur il est foncé il est proche du noir on sait qu'il a une odeur une mauvaise odeur on sait que il est épais c'est un sang, il est resté dans cet endroit un certain moment. On sait qu'à l'âge, il n'y a pas d'âge précis, que ce soit le début, quand la fille elle est encore jeune, ou la fin, quand est-ce que ça s'arrête au bout de 50 ans, 60 ans, quand elle a 50 ans, 60 ans, on sait qu'il n'y a pas de had. Tant que le sang il est là, elle est ha'id. Toutes ces masaïs, alhamdulillah, istafadna. Al-an, il va y avoir des ahkam fi shari'at al-islam. الله سبحانه وتعالى لا استدعى أحكام في القرآن ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وما وقف جوا حديث هذه أحكام فلهذا سمهم شاك فهم الدواء كل يقصي أحكام ولو على سبيل الإجمال والاختصار الدواء كل يدخل لأن يدي مسائل في الحقيقة خلاف كبير واسع لكن أهم شيء الكل السي كومون فير خاصة pour rapport à الصلاة pour rapport à الصيام et pour rapport au حج فشيخ الفوزان حفظه الله Il va citer certains ahkam par rapport à al-ha'id, fanaqra. Qala hafidhahullah wa lil-ha'id khilal haydha wa 'inda nihayatihi ahkamun mufassala fi al-kitab wa as-sunnah. Parmi ces ahkam, qal min hadhihi al-ahkam anna al-ha'id la tusalli wa la tasum hal haydha. قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. Premier hukm, Anna al-ha'id, elle délaisse le salat. Quand l'écoulement de sang commence, elle ne fait pas le salat. On va voir des ahkams précis. Il les a cités, Cheikh Al-Fawzan, certains. Tanbihun ham, on verra plein d'ahkams par rapport à ça. Incha'Allah ta'ala. il y a des femmes, elles se posent beaucoup de questions via hada. Matalan, alamat al-tuhr, la femme, elle devient pure, il n'y a plus de haid après l'asr. Est-ce qu'elle fait tuhr? Ou après l'isha, est-ce qu'elle fait le maghrib? Ou la femme, elle n'avait pas le haid, son cycle n'était pas venu. Matalan, le tuhr, c'est à midi. Le haid, elle lui vient à 1h. 1h de l'après-midi. Et le tuhr, c'est midi. Et elle n'a pas fait le tuhr. Matalan, elle était occupée. Ah ouais, elle s'est dit je vais le faire à 1h30, elle ne savait pas que le haïd il est venu. Est-ce qu'elle doit rattraper le dhuhr? Léana avait 1h pour le faire. Elle devait faire le dhuhr. Est-ce qu'elle doit le rattraper via al-hal? Beaucoup de questions comme ça par rapport à Salah, on verra en détail bi-idhnillah. Amma al-an naqra kalam Cheikh al-Fawzan ijmalan, et après inshallah on détaille avec des masail. Amma al-an ijma' al-ulama anna al-mar'a al-ha'id elle fait pas Salah. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha aqbalat al-hayda fada'i as-salah. Si الحيض l'écoulement de sang il a commencé dès la salat, tu fais pas salat. قال فلو صامت الحائض او صلت حال حيضها لم يصح لها صوم ولا صلاه. اما si une femme elle fait الصلاه ou le fait siyam alors qu'elle est en état de haid, فلا يقبل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بترك الصلاه والصيام. فلا femme qui contredit هذا son amal il est mardoud, بل elle est athma عاصية لله سبحانه وتعالى ولرسوله. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا سجد الدين. La femme elle fait pas ce qu'elle veut. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا الحال المرأة كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. La femme comme l'homme c'est des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils doivent respecter les ordres. فلا يجوز لها الجلاء أنا je veux quand même faire الصيام أو الصلاة نعوذ بالله. قال والنهي يقتضي عدم الصحة. C'est une règle. النهي يقتضي عدم الصحة. Quand il y a une interdiction d'une chose, مثلا d'une عبادة à un certain moment, celui qui l'a fait, ça implique que cette عبادة n'est pas valide. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد. النبي صلى الله عليه وسلم interdit de faire صيام يوم العيد. Celui qui fait un صيام يوم العيد, son صيام il est فاسد. Il est غير مقبول. Et il est عاصي s'il est على علم. هكذا هنا. La femme qui fait الصلاة ou الصيام ou الطواف et elle est en état de حيض, فالست عبادة n'est pas acceptée. لأن النهي يقتضي عدم الصحة أو الفساد. قال بل تكون بذلك عاصية لله ولرسوله لأنها خالفت أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله. On a vu حديث فاطمة بنت أبي حبيش. وهنا تنبيه أن هذا يحصل من بعض البنات. Certaines jeunes filles, خاصة au début, à la 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, elle fait الصلاة. فربما au départ, quand elle a le haid, quand ce cycle vient, surtout les premières fois, Robama la timidité, elle a honte de parler à sa mère ou à son père. Khasatan la mère, Léana al-Bent, elle est beaucoup plus proche de la mère, Riyad al-Hal. Elle a honte, Robama, la timidité, elle continue à faire salat. Ou si c'est Ramadan, elle n'ose pas couper, manger, boire, elle n'ose pas. La fille, al-Haqiqa, elle a son udr, la timidité, elle n'ose pas, khasatan avec l'ignorance. On conseille les mères, la mère, t'entabé. تنتبه لأن la mère elle sait ربما elle trouve du sang dans les habits de sa fille. فتنتبه في هذا. فquand elle voit que la fille elle a été touchée par الحيض, elle lui explique qu'elle ne doit pas faire salat, elle ne doit pas faire صيام. Mais في الحقيقة il y a aucun mal. هذا يحصل من بعض البنات. كذلك ça arrive من الجاهلات. Dans certaines contrées ils sont بعيدين من العلم من ال dans des petits villages الآخر ça arrive. أن المرأة لا تدري عن هذه الأحكام شيء. Ça montre l'importance de l'ilm et de nashr al-ilm. قال فإذا طهرت من حيضها فإنها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم. قالت عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. Quand la période de l'haïd elle est finie, المرأة ne rattrape pas الصلاة. مثلا elle a manqué une semaine de صلاة. Quand le cycle il est fini, elle reprend le salat. Elle ne rattrape pas la semaine. Amma siyam, elle le rattrape. Et ça, c'est min adillat an hada din, il est fondé sur l'adillat, il n'est pas fondé sur l'aql. Fala yajouz li ahad, matalan, une femme elle rattrape la salat comme elle rattrape le siyam. Elle se dit, vu que j'ai rattrapé cette ibad al siyam, je rattrape aussi le salat. Là, ce din c'est بالدليل بالبرهان بالحجة قال الله قال الرسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى démontré la femme elle rattrape الصيام elle rattrape pas الصلاة فلا بد امتثال هذا الأمر الحكمة الظاهرة أن الصيام c'est qu'un mois dans l'année أما الصلاة c'est tous les jours فلا شك يغير مشقة si la femme elle doit rattraper دائما الصلاة il y a شيء من المشقة 5 صلاة par jour sur 10 jours ça fait 50 صلاة 50 صلاة rattraper tous les mois c'est في شيء من المشقة نقرأ كلام كلام أهل العلم في هذا أيهم فيني أبيك سأ من فتح العلام باش 408 408 الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في بلوغ المرام إلى ست حديث أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم متفق عليه حديث واضح أن المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصم باش 408 قال ابن المنذر رحمة الله عليه أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصوم على الحائض في أيام حيضها إجماع العلماء أن المرأة الفطر الصلاة قال ثم استدل بحديث أبي سعيد قال ثم أجمع أهل العلم على أن عليها الصوم بعد الطهر إجماع العلماء أن الغطخب الصيام لو نفى الجميع عنها وجوب الصلاة إجماع العلماء أنها الغطخب الصلاة قال فثبت قضاء الصوم عليها بإجماعهم وسقط عنها فرض الصلاة لاتفاقهم دونك إجماع العلماء الغطخب الصيام الغطخب الصلاة قال ثم استدل على ذلك بحديث معاذ أو معاذة العدوية وهو في الصحيحين أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما بل الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة معاذة رضي الله عنها لا دوماندي عائشة الغطخب الصيام الغطخب الصلاة بوركوا فقالت عائشة أحرورية أنت الحرورية سي الخوارج قالت معاذة قلت لست بحرورية ولكني أسأل هذا سامونتر فضل السؤال ولو سين كيستيون ربما elle peut paraître simple pour toi ربما pour un autre elle est pas simple هذا السؤال طيب سؤال بأدب السؤال أهل العلم regardez معاذة la demandé à عائشة رضي الله عنها عائشة elle était connue pour العلم elle était connue pour هذه المسائل فمعاذة elle est revenue à عائشة قالت قد كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة لاحظوا وتأملوا جواب عائشة أنها لا ديمونتخي أن النبي صلى الله عليه وسلم نوزا ديمونتخي كذا فسي كذا أما لا كيستيون صحيحة البوسبوزي فلهذا معاذا لا بوزي pourquoi on غطخ الفام الغطخ الصيام هي الغطخ الصلاة عائشة لو ديمونتخي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيسون حكم Et Mu'adha, la chèque, c'est une sahabie, elle a accepté, radiyallahu anha, wa radiyallahu anis sahaba ajma'in. Et demain, incha'Allah, nakmil ce qui est rapport avec tawaf et l'akhiri, thumma on reviendra à masail al-salam. Cheikh al-Fawzan, il a fait un tambiham. Ida tahurat al-ha'ida wa nufasa qabla ghurum al-shams, thumma on citera des masail précises par rapport à l'as-salam. Amma l'an, naqra le kalam il est sah, thumma incha'Allah, on verra des masail plus détaillées. Naktafi bihada al-qadr. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين